Why you crassy sur Panam? Mais qu'il fagne à salade. Calmate, je peux te faire danser galoper. T'as la gonflé mon appétit, mais toi tu demandes du temps. C'est dingue, on pète pas la folie, le moteur est sous puissant. Ils vont nous jalouser, bébé. On va pas se déballer sous les réseaux. Faut pas t'inquiéter, bébé. J'ai AK-7 pour tous mes rivaux. La vie de rêve sur une île. Je peux pas mourir sur le bitume. Elle veut fly loin d'ici. Faut du réseau, fuck les schmitts. Faut j'évite, mais faut des balles, faut j'évite. Sous la bug, là j'ai mis tout de l'amnésia, là j'ai 8. Pour Alice, j't'ai déjà dit, faut pas t'emballer. Maintenant j'ai plus de problème de sous, j'suis gainé comme Sadio Mané. Hola hola hola bébé, l'école à moi veut m'éradiquer. Hola hola hola bébé, j'fais combien de toute l'égalité. Les yeux partout comme Mona Lisa. T'envoies le shooter cibé localisé. Waouh, Saint-Denis, le maire ne sort plus de la mairie. C'est relou, je dois faire du bresson. Un peu de sa sème, ma vie s'embellit. Ça sort les jouets quand y'a plus d'espoir. Et si tu veux partir, je te retiendrai pas. Faut j'évite, mais faut des balles, faut j'évite. Fume la bug, là j'ai mis tout de l'amnésia, là j'ai 8. Pour Alice, j't'ai déjà dit, faut pas t'emballer. Maintenant j'ai plus de problème de soi.